Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Émile Néligan, au-delà du mythe. Je pense que Néligan est le seul véritable mythe littéraire qu'on ait au Québec, c'est-à-dire qu'il soit connu en dehors des milieux proprement des écrivains ou des milieux littéraires. Il est frappant, tout le monde au Québec connaît Néligan, ce qu'on appelle son histoire. Enfin, ce sont des éléments fixes, hein, son génie, sa folie, son présumé génie, sa présumée folie. Néligan et le mythe de Néligan, comme le précise l'écrivain Jean Larose à l'émission La vie quotidienne en novembre 1981, ce mythe donc est si présent et si puissant que la figure de Néligan est en effet devenue dominante. Elle fait partie pratiquement de notre ADN collectif au Québec. Plus que tout autre chez nous, Néligan représente le parfait archétype de l'écrivain chez qui le génie et la folie ne font qu'un. D'un seul regard, il faisait naître des châteaux forts. Ce qui était extraordinaire à écrire ce livret-là, c'est que j'ai pu jouer le jeu de la tragédie en ce sens que dans la première scène chantée, il y a une petite scène parlée au début, dans la première scène chantée, déjà on sait que tout est perdu, que même si les personnages se mettent ensemble pour sauver le héros, comme dans la tragédie classique grecque et ensuite la tragédie classique des autres pays, ces personnages-là, s'ils se mettent ensemble pour sauver le héros, tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est le perdre encore plus. Mmh. Alors, j'ai pu jouer ce jeu-là et ça a été passionnant à écrire à cause de ça, du côté sombre, du côté tragique du sujet et ensuite rajouter cette transposition-là, chanter. Un petit mot, un petit rien, un regard faux, un geste fin. La grande Renée Claude interprétant la chanson L'indifférence, une chanson tirée de l'opéra Néligan, écrit et composée par Michel Tremblay et André Gagnon en 1990. Et c'est Michel Tremblay, justement, en 1990, qu'on entendait à l'émission Ici comme ailleurs, dans cet extrait, pour essayer de départager le mythe de la réalité quand il s'agit d'Émile Néligan. Je reçois Claude Lacharité, qui est écrivain, professeur de lettres à l'Université du Québec à Rimouski. Claude Lacharité, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Qu'est-ce qu'il représente? C'est vrai qu'il occupe beaucoup de place. Émile Néligan, dans notre imaginaire collectif, dans notre littérature, qu'est-ce qu'il représente pour nous? C'est une bonne question. Je pense que c'est d'abord et avant tout le génie précoce qui a été fauché de façon presque tragique, comme le soulignait Michel Tremblay. Dans sa toute jeunesse, il a seulement 19 ans lorsqu'il est interné à l'asile et il ne ressortira plus jamais de l'asile. Donc c'est d'une part ce génie précoce fauché prématurément et d'autre part aussi un poète qui serait doté d'une sorte de don de préscience qui était suffisamment lucide par rapport à son état pour prédire la folie dans laquelle il allait finalement sombrer. Tous les ingrédients du mythe, on y revient, mais tous les ingrédients du mythe sont là. En même temps, quand on essaie de départager déjà ce qui appartient au mythe, ce qui appartient à la réalité, c'est peut-être d'essayer, dans son cas, de départager ce qui appartient à la littérature, au génie littéraire ou à cette espèce d'imagerie romantique autour du triste sort qui attend cet écrivain qui va sombrer dans la folie. Parce que c'est difficile de départager les deux quand on parle de Néligan. Oui, tout à fait, parce que je pense que c'est une sorte de raccourci pédagogique. Quand on veut enseigner Néligan à l'école, hein, il n'y a rien de plus, je dirais, efficace que d'évoquer justement ce bit biographique hein, du génie précoce, fauché prématurément. En même temps, ce qui fait que Néligan nous intéresse, c'est d'abord et avant tout sa poésie. Et je pense que ses textes sont vraiment d'une grande maîtrise. Hein. C'est vraiment probablement le poète québécois du 19e siècle qui a la plus grande maîtrise en matière de poésie. Et s'il n'y avait pas eu les textes, on ne parlerait plus de Néligan, même si il avait été interné à l'âge de 19 ans. En préparant l'entrevue, j'entendais un extrait plus long de l'entrevue que Jean Larose donnait à La vie quotidienne en 81, puis il disait, parlant de la littérature de Néligan, on a peut-être quand même un peu exagéré, disait-il. On peut pas, par exemple, et on l'a fait cette comparaison, on peut pas, selon Larose, le comparer à Rimbaud. Alors, évidemment... Dans sa grandeur, dans sa puissance. Oui, alors, évidemment, je pense que chaque lecteur de Nelligan a son point de vue. Et puis, évidemment, il y a peut-être certains qui sont plus sensibles à la poésie de Rimbaud. Moi, j'estime que c'est quand même sans doute le plus grand poète québécois du 19e siècle. Alors, est-ce qu'on peut ou non le comparer avec des auteurs français du même temps? C'est une grande question. On pourrait la poser à propos d'à peu près tous les écrivains québécois. Et je pense que ce n'est pas forcément un exercice qui est très utile. Mais ça reste pour vous, manifestement, quelqu'un de majeur. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'il il propose une synthèse qui est très intéressante d'un point de vue strictement littéraire et esthétique, par-delà son mythe biographique. Ouais. Et on en parlera de cette synthèse dans quelques minutes, quand on parlera plus précisément de son écriture, de son style de poésie. Mais un petit mot quand même sur lui, avant qu'il ne se retrouve interné, que son père, en fait, l'envoie à l'asile. De quoi est faite sa vie? Comment s'intéresse-t-il? En vient-il à l'écriture, par exemple? Oui, alors, Émile Nelligan est né le 24 décembre 1879 dans un milieu assez bourgeois. Son père est irlandais, s'appelle Patrick Nelligan. Sa mère est canadienne-française, Émilie Hudon. Il vient donc, je l'ai dit tout à l'heure, d'un milieu bourgeois. Il a fréquenté les meilleurs établissements d'enseignement de son temps. Il est allé au Collège Mont-Saint-Louis, il est allé au Collège Sainte-Marie. Mais manifestement, ce qui l'intéresse dans la vie, ce ne sont pas les études. D'ailleurs, il va abandonner ses études très tôt en classe de syntaxe. C'est très tôt, évidemment, dans le parcours du cours classique de l'époque. Et il va se consacrer entièrement à la poésie. Il va être admis à l'École littéraire de Montréal, qui est le principal regroupement d'écrivains de l'époque. Et c'est à cette École littéraire de Montréal qu'il va lire certains de ses poèmes bien connus, notamment La romance du vin, lors d'une séance qui a été, semble-t-il, un peu son triomphe en mai 1899. La romance du vin, qui est un poème très connu encore aujourd'hui, dont la fin exprime très bien une sorte de mélange ambivalent qui est un petit peu, je dirais, la marque de commerce de Nelligan, un mélange de gaieté et de tristesse, un mélange indissociable. Hein. Le vers final exprime bien cette idée d'un poète qui est si gai, qu'il a peur d'éclater en sanglots. Ouais. Et donc, il se fait remarquer à la lecture de ce poème, très, très vite, il se fait remarquer, mais cette heure de gloire va durer très peu de temps pour lui, parce que la même année, en 1899, donc, il prend le chemin de l'asile. Tout au bout d'une route, en un lieu solitaire, s'élève un bâtiment décrépit et sévère, où des âmes perdues en un cortège lent coulent des jours sans au parfum de l'or. Un parfum. Extrait de l'air de l'asile interprété par Daniel Lavoie en 2005 au moment de la présentation de la version symphonique de l'opéra Nelligan avec l'Orchestre symphonique de Montréal. En 1899, donc, la vie d'Émile Nelligan bascule soudainement. Claude Lacharité, son père, le fait interner. Qu'est-ce qu'il devient à partir de ce moment-là? Ça va être très, très long. Il va passer plus de temps interné que libre. Oui, effectivement. Donc, il entre à l'asile en août 1899. On parlait de son triomphe tout à l'heure en mai. Donc, c'est quelques semaines à peine après avoir déclamé la romance du vin, qu'il est donc interné à l'asile Saint-Benoît-Joseph-Labre dans l'est de Montréal. Et il ne ressortira plus jamais de l'asile. Il sera simplement transféré dans un autre asile, Saint-Jean-de-Dieu, l'actuel Hippolyte Lafontaine, toujours dans l'est du Québec, dans l'est de Montréal, en 1925. Et finalement, Nelligan décède donc dans ce nouvel asile le 18 novembre 1941. Donc il passe en tout 42 ans interné, et il a été interné, je le répète, à l'âge de seulement 19 ans. Pourquoi? Pourquoi son père décide de le faire interner? Alors, évidemment, la question est excellente. On n'a pas de réponse très claire. Malheureusement, on est à une époque où la psychiatrie n'existe pas en tant que spécialité au Québec. Hein. C'est seulement dans les années 1940 que la psychiatrie va réellement apparaître. Dans les dossiers médicaux, ce qui est évoqué comme diagnostic, c'est démence précoce. Mais au 19e siècle, démence précoce, ça désigne toute une série de symptômes, de manifestations. Et donc, on n'a aucune certitude. Ce qui est certain, c'est que Patrick Nelligan, le père du poète, décide en quelque sorte de se débarrasser plus ou moins de son fils qui est un peu encombrant, qui n'a pas réussi à terminer ses études, qui refuse de prendre les emplois qu'il lui propose. Ouais. Semble-t-il, son père lui avait trouvé un emploi de comptable, mais le jeune Nelligan est beaucoup plus intéressé par la poésie que par la comptabilité. Et donc, je pense qu'il y a aussi probablement de la part du père une volonté, en quelque sorte, de mettre au pas un fils qui est un petit peu indiscipliné. Mais il n'est pas du tout exclu que Nelligan ait eu effectivement des problèmes réels, psychiatriques, qui auraient entraîné son internement. Mais évidemment, cet internement, en tout cas dans les faits, je dis évidemment, mais dans les faits, ça va vouloir dire la fin de son œuvre, à laquelle on va s'attaquer tout de suite en commençant par son incontournable vaisseau d'or. Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue, s'étalait à sa proue au soleil excessif. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil dans l'océan trompeur où chantait la sirène. Et le naufrage horrible inclina sa carène aux profondeurs du gouffre, immuable cercueil. Ce fut un vaisseau d'or dont les flancs diaphanes révélaient des trésors que les marins profanes, dégoût, haine et névrose entre eux ont disputé. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Extrait du vaisseau d'or lu par le comédien Albert Miller à l'émission Présent en 1971. Le vaisseau d'or, c'est probablement, Claude Lacharité, le grand poème d'Émile Nelligan, en tout cas son plus connu. Pourquoi est-ce un si grand poème et qu'est-ce qu'il nous dit, ce poème-là, sur la poésie de Nelligan? C'est son poème le plus connu parce que, d'une certaine façon, c'est un poème prophétique, hein, dans lequel le poète nous annonce sa folie à venir, son naufrage dans l'abîme du rêve. Et quand on se situe du point de vue du mythe biographique, bien, c'est là, en quelque sorte, une confirmation textuelle de ce mythe biographique. Mais je dirais, au-delà du mythe biographique, c'est un très beau poème qui, je dirais, symbolise magnifiquement la manière de Nelligan. Hein, c'est une forme fixe, un sonnet constitué de deux quatrains, deux tercets, écrit en alexandrin, avec un très grand souci apporté à la forme, à la musicalité, à la richesse des rimes notamment. Et c'est surtout un poème qui est en quelque sorte la marque de commerce de Nelligan parce que c'est à la fois un poème symboliste, hein, un poème qui est une sorte de paysage mental. On comprend dans la conclusion du poème que ce vaisseau d'or, ce n'est pas simplement une belle œuvre d'art, c'est en réalité une clé, c'est une métaphore filée, c'est une allégorie. Ce poème, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le cœur du poète qui a fait naufrage. Hein. Et en même temps, c'est aussi un poème dans l'esprit des Parnassiens, de ces poètes donc de la fin du 19e siècle, qui apportait un soin presque maniaque à la forme, à la richesse des rimes, aux sonorités, à la musicalité des vers. Et en fait, si on s'arrêtait avant le tercet final, on pourrait considérer qu'il s'agit là d'un poème d'un pur Parnassien de la fin du 19e siècle en France. Ce qui n'est pas rien, parce que cette fusion-là, Nelligan la pratique, mais en France, c'est impensable. Ces deux écoles s'affrontent et se détestent, alors que Nelligan, lui, finalement, les combine. Exactement. Comme il n'est pas à Paris, comme il est un petit peu en marge de l'institution littéraire française, il peut se permettre de faire ce qu'aucun Français à l'époque ne pouvait faire, c'est-à-dire effectivement combiner ces deux esthétiques. Pour donner un exemple, hein, le chef de file de l'école parnassienne, le comte de Lille, considérait que les jeunes poètes symbolistes perdaient purement et simplement leur temps et qu'ils écrivaient des textes que tôt ou tard, ils finiraient par brûler. Ça montre à quel point il y a une espèce d'antipathie profonde entre ces deux écoles et à quel point il faut choisir entre les deux. Or, Nelligan ne choisit pas, il fusionne, il assemble ce qui est impensable en France à la même époque. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai tous les étangs. Le poème « Soir d'hiver » mis en musique par André Gagnon, interprété par Claude Léveillé en 1966. Avec le vaisseau d'or, l'autre grand poème de l'élégant Claude Lacharité, c'est justement « Soir d'hiver ». Ce poème-là nous permet de parler de ce qu'il apporte, quand on regarde un peu ce qui s'est fait au Québec avant lui, de ce qu'il apporte l'élégant à la poésie québécoise, quand on le compare par exemple à Louis Fréchette ou à un Octave Crémazie par exemple. Oui, tout à fait. Nelly Gant délaisse complètement les thèmes de la poésie canadienne-française de son temps. Octave Crémazie ou Louis Fréchette aimaient à célébrer les grands épisodes de l'histoire du Canada français ou encore les beautés de la grande nature canadienne ou québécoise. Nelly Gant tourne résolument le dos à tous ces thèmes-là. Il se concentre davantage sur l'intériorité. C'est une poésie intimiste qu'il nous propose et Soir d'hiver en est un très bon exemple. Hein? Même si, à première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'une sorte de célébration de l'hiver québécois. En réalité, ce poème-là nous décrit un état d'âme, l'intériorité du poète. Hein? Oui. Cette fenêtre qui est givrée, ça n'est pas une véritable fenêtre qu'observerait le poète, c'est plutôt une sorte de projection de l'intérieur du poète sur ce qu'on appelle un paysage mental. Hein? Et ce que traduit ce poème-là, c'est que tous les espoirs du poète gisent comme les étangs gelés, pour reprendre la formule de Nelly Gant. Et encore une fois, c'est assez nouveau. Hein, quand on parle, en tout cas, des grands, de ceux qu'on appelait les grands poètes nationaux, qu'on a cités, qui étaient dans le patriotisme, dans la célébration du pays, de la grande histoire nationale, ça n'intéresse pas Nelly Gant. Non, pas du tout. Nelly Gant tourne résolument le dos à tout ça, à tel point qu'on pourrait, si on ne le savait pas, prendre Nelly Gant pour un poète européen. La plupart de ses références textuelles, culturelles, renvoient bien plus à l'Europe, aux dentelles de Malines, aux bibelots de Saxe et à toutes sortes d'autres objets, par exemple les étrusques qu'on trouve dans sa poésie. C'est d'ailleurs ce que Louis Dantin, son premier éditeur et le préfacier de sa première édition de ses poèmes, va souligner. C'est-à-dire que si un reproche qu'on peut faire à Nelly Gant, c'est de ne pas avoir de référence proprement québécoise ou canadienne. Parler de Louis Dantin, on va justement prendre le temps de situer l'importance qu'il aura dans la vie, dans l'œuvre de Nelly Gant. Je vous propose d'abord d'écouter l'écrivain Alain Ponteau décrire le type de relation que va entretenir Dantin avec Nelly Gant, extrait de l'émission L'Aventure en 1990. Nelly Gant apportait ses vers et Dantin les lisait en les commentant, en critiquant les rimes ou les images. Nelly Gant n'acceptait jamais de bonne grâce les corrections de son ami. Souvent, pendant la lecture d'un poème, il écoutait le regard sombre ou bien son attention se perdait dans une distraction qui l'absorbait tout entier. Quelquefois, au milieu d'une conversation ou d'une lecture, il était pris d'une inspiration subite et il se mettait à improviser. Des vers entiers sortaient de sa bouche, tout faits. Les autres, il achevait de les scander avec des sons inarticulés comme un chanteur fredonnant un air dont il a oublié les mots. Dantin, un crayon à la main, saisissait les vers pendant que Nelly Gant, marchant de long en large, faisait de grandes gesticulations. Enfin, il s'arrêtait et il se taisait. Dantin lisait l'ébauche, Nelly Gant écoutait sans rien dire, frappé d'une indifférence soudaine, comme si se fût agi de la poésie d'un autre. Et puis Dantin recopiait les vers honnêtes et Nelly Gant les emportait. Louis Dantin, qui n'est pas un mauvais poète, a cependant, ce qui est très méritoire, la modestie d'admettre que ce jeune Émile, qui a 15 ans de moins que lui, a décidément plus d'inventions poétiques que lui, alors que l'un a 18 ans et l'autre en a 35. Ce récit que fait l'écrivain Alain Ponteau de cette écriture automatique, pratiquement, de ce qui se passait quand Nelly Gant et Dantin se rencontraient, ça aussi, Claude Lacharité, ça pourrait participer au mythe. C'est très romantique ce qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas dans quelle mesure ça correspond à la réalité, mais parlez-nous un petit peu de cette relation qu'auront les deux hommes, Dantin et Nelly Gant, de l'importance qu'aura Dantin dans la vie, dans l'œuvre de Nelly Gant. C'est une relation absolument essentielle. On peut dire, je pense sans exagérer, que la poésie de Nelly Gant serait à peu près oubliée aujourd'hui si ce n'avait pas été du rôle de Louis Dantin. Alors Louis Dantin, c'est un père, c'est un religieux qui appartient à la congrégation du Très-Saint-Sacrement, qui va connaître toutes sortes de déboires. C'est un personnage qui a eu 1000 vies et on pourrait lui consacrer une émission entière. C'est quelqu'un qui va défroquer parce qu'il a perdu la foi, qui va devoir s'exiler pour des histoires de cœur aux États-Unis. Il va finir ses jours à Boston comme typographe à l'université l'université Harvard. Mais toujours est-il qu'à l'époque où Nelly Gunn écrit ses premiers poèmes, il va devenir un peu, en quelque sorte, son mentor. Il va le recevoir, effectivement, au parloir de sa communauté pour lire avec lui ses poésies et puis pour lui proposer un certain nombre de corrections, d'améliorations, etc. Lorsque Nelly Gunn va entrer, finalement, à l'asile, Louis Dantin va lui rendre visite une seule fois. Il va s'apercevoir que sa situation est sans espoir de retour. Et quand il va faire cette constatation, il va demander à la mère de Nelly Gunn de lui communiquer tous ses manuscrits. Et c'est Louis Dantin qui va publier la première édition des poèmes de Nelly Gunn en 1904, dans des conditions tout à fait rocambolesques, c'est-à-dire que Louis Dantin commence à imprimer le recueil sur les presses de sa communauté. Et en 1903, il est contraint de s'exiler à Boston, aux États-Unis. Ouais. Et donc, c'est l'éditeur Beauchemin qui va terminer l'impression et qui va finalement diffuser le recueil en 1904, un recueil qui s'intitule « Émile Nelly Gunn et son œuvre ». Mais certaines voix se sont interrogées à savoir jusqu'où allait cette collaboration entre les deux hommes. En 2013, Yvette Francoli va jeter un pavé dans la mare, en quelque sorte, en publiant son livre « Les naufragés du vaisseau d'or ». Qu'est-ce qu'elle y raconte? Alors, elle avance, en quelque sorte, l'hypothèse que Louis Dantin ne s'est pas contenté de jouer le rôle d'un éditeur, qu'il est allé beaucoup plus loin, qu'il a non seulement donc corrigé, réécrit, trié et choisi les poèmes de Nelly Gunn, mais qu'il aurait même publié sous le nom de Nelly Gunn certains de ses propres poèmes, de sorte qu'une partie, sinon même peut-être la totalité de l'œuvre de Nelly Gunn serait due en réalité à ce Louis Dantin. Parce qu'il y a effectivement un certain nombre de rapprochements qu'on peut faire qui sont troublants, à la fois donc des rimes qui sont les mêmes, une musicalité qui est la même, des références intertextuelles ou mêmes auteurs que l'on trouve sous la plume des deux auteurs. Évidemment, ça pose question. On peut se demander jusqu'où Louis Dantin est allé. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'on ne pourra jamais prouver hors de tout doute que Louis Dantin est bel et bien l'auteur des poèmes de Nelly Gunn. Et une des preuves qu'on pourrait avancer, c'est le fait que Louis Dantin ne publiera de son vivant qu'un seul recueil en 1932, le coffret de Crusoé, qui est constitué de poèmes qui sont intéressants, mais qui sont éminemment plus fades et plus plats, il faut bien dire ce qu'il est, que les poèmes de Nelly Gunn. Donc si effectivement Louis Dantin est le marionnettiste, celui qui tire les ficelles de Nelly Gunn, on se demande un peu pourquoi il n'a pas été capable de reproduire le miracle Nelly Gunn lorsqu'il publie ses propres poèmes en 1932. Bouclons la boucle, il reste peu de temps, mais en revenant sur ce que représente la figure de Nelly Gunn pour nous, on l'évoquait un peu au début de l'émission, qu'est-ce qui reste en tout cas très concrètement de lui dans le Québec d'aujourd'hui, Claude Lacharité? Alors, il reste plusieurs choses. Il reste d'abord une magnifique stèle funéraire au cimetière de la Côte-des-Neiges où on voit le portrait de Nelly Gunn dans une sorte de camé en cuivre. Il reste aussi un prix Émile Nelly Gunn qui récompense chaque année le meilleur recueil d'un poète de moins de 35 ans publié au cours de l'année écoulée. Il reste également sa maison qui appartient aujourd'hui à l'Union des écrivains du Québec, Avenue Laval, qui est devenue la maison des écrivains. Donc, je pense que ça révèle un petit peu l'importance de cette figure dans notre imaginaire collectif. Pour que la maison d'un écrivain québécois devienne la maison de tous les écrivains québécois, je pense que ça donne une bonne idée de l'importance de Nelly Gunn dans la culture québécoise d'aujourd'hui. Claude Lacharité, c'était un plaisir de vous recevoir, écrivain, professeur de lettres à l'Université du Québec à Rimouski. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.